Est-ce que tu sens la chaleur avec DJ Ludo Remix? Pas besoin d'extincteur avec DJ Ludo Remix. Vas-y, dis-leur the roof, the roof, the roof is on fire. We don't need a water, let the motherfucker burn. The roof, the roof, the roof is on fire. Laissons tout brûler. Vas-y, dis-leur the roof, the roof, the roof is on fire. We don't need a water, let the motherfucker burn. The roof, the roof, the roof is on fire. We don't need a water, let the motherfucker burn. Club est on fire. Qu'est-ce qu'on attend pour tout enflammer? Tu le sais, yeah. Let the motherfucker burn. Yeah, yeah, yeah. Est-ce que tu ressens la chaleur monter en toi? Yeah. Tout le monde dans le club est on fire. Qu'est-ce qu'on attend pour tout enflammer?